Les petites histoires de Tell Me. Salut, moi c'est Arthur. Je suis trop content de vous retrouver. Vous le savez, j'habite un village qui regorge de légendes. Et j'en ai tout un stock à vous raconter. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'enquêteur de Noël. Quand il était petit, mon pépé a fait les sauts en grand pour sa première liste au Père Noël. Elle faisait presque 1 kilomètre de long. Pépé, c'était un malin, et il se disait qu'avec un petit peu de sens, le Père Noël allait lui apporter tous les cadeaux qu'il demandait. À peine postée, sa lettre est apparue dans un grand dépôt secret, là où tous les courriers de Noël arrivaient. Dès qu'un lutin posa les yeux sur la liste de Pépé, il tomba dans les pommes. Jamais les lutins de Noël n'avaient reçu une lettre pareille. D'habitude, les listes qu'ils analysaient étaient bien plus courtes. Dénicher le bon cadeau à offrir n'était pas très compliqué pour des experts comme eux, mais celle de Pépé leur posait une sacrée colle. Ils ont passé des jours à l'étudier, et puis le verdict est tombé. Personne n'arrivait à trouver quel cadeau lui ferait le plus plaisir. C'était un vrai drame. Et là, Willoli, un jeune trouveur de cadeaux, eut une idée. Aller sur le terrain pour se faufiler dans la chambre de Pépé et trouver des indices qui les aiguilleraient. Impensable, les lutins de Noël ne quittaient jamais le royaume. Mais Willoli était déterminé. Alors, il enfila un costume d'invisibilité, enfourça un renne de Noël et fila comme une comète ses pépés. Malheureusement, il trouva toutes les portes fermées. Seul moyen de rentrer, la cheminée. La hantise de Willoli, mais il n'avait pas le choix. Il s'y engouffra et patatras. Un gros nuage de cendres emplit tout le salon. Pépé, qui était tranquillement en train de goûter, regarda Willoli éberlué. Le lutin se confondit en excuses et lui expliqua tout. Pépé eut alors une réaction incroyable. Il se leva et sortit dehors pour faire des bonhommes de neige. Comme ça, Willoli pourrait mener son enquête tranquillement. Quand Pépé rentra, le salon était tellement propre qu'il se demanda s'il n'avait pas rêvé. Mais non, parce que cette année-là, il reçut un cadeau qu'il n'avait même pas mis sur sa liste. Un costume officiel de lutin de Noël signé de la main de Willoli.